posé sur feuille blanche, entreprise de position et de conscience. Rap conscient ou hardcore, l'arrière-ban pour seul décor. Conscient que les jeunes déconnent, conscient que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. À l'ancienne, je prends un gros sang comme destro intouchable. Je me devais de revenir à la base. Le truc est parti en couille, je le ramène en Volkswagen ou en DeLorean comme Marty McFly. Comme Total Recall, je ravive les mémoires. Mon parcours, une putain de trajectoire. Connais par cœur la street, tu peux me croire. La facilité n'est qu'une façade. Derrière, t'as que dalle. Tu peux flamber tant que tu veux avec une attitude de Kaira. Tu restes un parasite, un paria tout en bas de l'échelle sociale. L'échec se lit sur les visages, putain de constat. Y'a que des coupables, tous potentiellement inculpables. Seul compte l'apparence, même si la bille fait pas le moine. Le reflet flatte l'ego, donc je me méfie des miroirs. Mais à culpa, je pourrais le dire mille fois. Pas sûr que ça minimise le poids, mais faut pas. Combien de fois on m'a dit il ne faut pas? Combien de fois j'ai dit il faut ça? Combien de fois j'ai entendu j'explique faux man? Combien de gars sont fait griller à trop jacter sur portable? Importance qu'on accorde au matériel, c'est trop grave. L'importance que j'accorde aux détails, improbable, n'improvise pas. La vie n'est pas un freestyle. Je me situe hors des clivages, opère un virage après une vitrage. Équilibre le yin et le yang, le bien et le mal, le ciel et l'asphalte. Pour les frères, c'est pieds sous terre. Une dernière gorgée de sky.